Parle-moi du printemps chaud qui s'en vient. Oui, moi, ça a vraiment capté mon attention. En fait, là, les fonctionnaires se mobilisent, les étudiants également. Ouais. Mais je pense que le printemps sera chaud peut-être pour d'autres raisons. Et l'autre raison sera peut-être une raison liée à la fiscalité, à l'impôt, aux taxes qu'on paie. En fait, ce matin, le ministre des Finances nous dit on va entreprendre un véritable débat sur l'impôt et ce qu'on paye. La TVQ et tout ça. Et j'ai mis la main sur une étude, puis je vous partage ça parce que je trouvais ça très, très révélateur. Le fameux Luc Godbout, qui préside le grand groupe de travail sur la fiscalité, a livré une étude alors qu'il était à l'Université de Sherbrooke en 2013. Imaginez-vous donc qu'il a comparé la fiscalité, l'ensemble de la fiscalité du Québec avec les autres provinces canadiennes. On est première catégorie. C'est ici, au Québec, qu'on paie le plus d'impôts sur le revenu au pays. C'est au Québec qu'on paie le plus de taxes sur la masse salariale. Ouais, et on est deuxième champion, toute catégorie, pour l'impôt foncier. Et ce que je trouvais intéressant dans le cas du débat que souhaite initier le ministre des Finances, je me suis dit politiquement jusqu'où ils vont vouloir aller. Parce que là, ça va être tantôt, il va y avoir beaucoup il va y avoir du bruit, là, parce que les fonctionnaires, les étudiants, est-ce qu'ils auront le courage d'initier le débat? Dans quelles circonstances? Dans quelles circonstances ils vont le faire? S'il y a 100 000 personnes dans la rue, ça va peut-être être difficile d'arriver avec une autre réforme comme ça. Imagine. Là. Ce que le gouvernement a dit, essentiellement, c'est que pour stimuler le marché de l'emploi auprès des gens à faible revenu, pour diminuer les impôts, il faut augmenter les taxes, diminuer les avantages fiscaux, puis augmenter les tarifs. Puis là, le monde nous appelle ici puis nous dit « On n'est plus capable de payer, la cour est pleine. » Je trouve ça intéressant pour une chose. Le gouvernement s'est fait lire en disant « On va s'occuper des vraies affaires. » Mais en même temps, tu comprends, est-ce qu'on aura le courage d'aller jusqu'au bout de cette histoire-là? C'est assurément un dossier à suivre. Puis moi, je vous le dis, c'est vers plutôt ce genre de débat qu'il faut regarder que des fonctionnaires qui se plaignent, qui n'ont pas des conditions de travail acceptables. Puis les étudiants, finalement, qui font une bataille pour on ne sait trop quelle raison. Là, ils n'ont même pas augmenté les frais. La dernière fois, il y avait eu une augmentation d'annoncés. Fait que là, il y avait une cause. Là, ils s'en vont dans la rue pour se battre pour les autres. Pour une république socialiste soviétique. C'est ça la cause. Merci, Nathalie. Ça fait plaisir. On t'écoute ce midi avec Éric, comme d'habitude, 9h22.